Une rivalité de femmes en 1726 par Elie Berthet, chapitre 1er. Au commencement du faible et languissant ministère du cardinal de Fleury, un jeune abbé d'assez pauvre apparence se promenait dans le jardin des Tuileries qui n'était pas encore achevé à cette époque. C'était le soir. Les promeneurs commençaient à devenir rares dans les allées de jeunes arbres nouvellement plantés. Après avoir jeté un coup d'œil de connaisseur sur les statues qui ornent les boulingrins, considéré le soleil couchant derrière les autels du faubourg Saint-Germain, l'abbé vint s'asseoir sur un banc de pierre dans un des endroits les plus écartés. Il se mit à tracer distraitement quelques figures sur le sable avec le bout de sa canne, comme pour occuper son oisiveté. Il y avait dans son extérieur quelque chose de pauvre et de râpé qui sentait son petit gentilhomme de province. Le rabat et le manteau court n'avaient pas toute la fraîcheur désirable, et les culottes de soie noire paraissaient mûres en plusieurs endroits. Cependant, malgré la misère à peine déguisée de cet équipage, il y avait dans l'air et les allures de l'abbé une vivacité et une aisance qui décelaient l'homme de pensée et de résolution. Son visage était empreint d'une douce fierté, et l'individu ne semblait ravalé nullement par le mauvais état du haut-de-chausses et du pourpoint. Il fredonnait tranquillement une ariette de bel air au fond, qui était alors à la mode, lorsque deux hommes qui l'observaient depuis quelques moments vinrent s'asseoir sur le même banc de pierre, en silence, comme deux amis fatigués qui ont épuisé tout sujet de conversation durant leur promenade. L'abbé fit un petit mouvement de politesse quand ils se placèrent près de lui, et sans paraître se soucier des importuns qui dérangeaient sa solitude, il s'abandonna librement à ses réflexions. Un des inconnus, de son côté, le regardait de temps en temps à la dérobée et semblait attendre une occasion de lui adresser la parole. Comme l'abbé était complètement absorbé dans ses rêveries, « Je gage, dit-il enfin d'une voix polie et mielleuse, que je devine ce qui occupe si fort monsieur l'abbé de Raucourt. » Le jeune homme tressaillit en entendant prononcer son nom, et il leva vivement la tête pour voir celui qui venait de parler. C'était un homme de taille moyenne, d'une mie simple et de peu d'éclat, dont le ton patelin contrastait avec l'expression repoussante de ses traits pâles et étirés. Ce premier coup d'œil ne fut probablement pas favorable au nouveau venu, car l'abbé se contenta de faire un « A » d'un ton insouciant et se détourna, comme pour ne pas avoir à causer avec ce personnage, mais celui-ci ne se déconcerta pas. « Oui, l'abbé, reprit-il familièrement, je puis lire plus facilement dans votre âme que vous dans un bréviaire. Mettrez-vous ma science à l'épreuve ? Parbleu, voilà du plaisant, dit l'abbé brusquement. Mais je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, et à moins que vous ne soyez Asmodée le curieux qui voyait à travers les murailles. Tous les diables qui en savent ne s'appellent pas Asmodée, répondit l'étranger en ricanant. Que vous ne me connaissiez pas, cela est possible, mais moi je vous connais. En deux mots, vous avez quitté depuis peu de temps le manoir paternel en Périgord, avec 6 louis dans votre bourse, une lettre pour le duc de Noailles, qui n'a même pas voulu vous voir, et une quantité de bénédictions qui, certes, ne valent pas la compagnie de Royal Dragon que votre bonhomme de père a acheté à votre frère aîné. Je sais que vous en êtes réduit pour vivre à faire des portraits en attendant l'investiture d'un bénéfice dont le titulaire est plein de vie et vous fera probablement attendre longtemps encore. Je sais, en un mot, que vous êtes cadet de province, abbé sans revenu et peintre inconnu par-dessus le marché. Si j'étais enchanteur, je vous remettrais bien vite en bouteille, messire diable, dit l'abbé en plaisantant, pour dissimuler la frayeur légère qu'il éprouvait de se voir si bien connu de ce sinistre étranger. Vous auriez tort, car je vous veux du bien, répondit celui-ci. Mais écoutez encore. Je n'ignore pas que l'on doit vous présenter à mademoiselle le couvreur pour faire son portrait, et que vous comptez sur la générosité de la jolie comédienne ou de son amant le comte de Saxe, car le propriétaire de votre hôtel garni commence à devenir pressant. « Ma foi, dit l'abbé en prenant gaiement son parti sur ce qui causait sa surprise, vous mettez tant de bonté à vous occuper de mes affaires que je ne serais pas fâché de m'occuper un peu des vôtres, que je sache au moins le nom d'un ami si chaleureux. Mes affaires et mon nom ne vous regardent pas. Ne parlons que de vous. « Voyons l'abbé, franchement, ne trouvez-vous pas que les moyens que vous employez pour sortir de la misère sont bien incertains et bien peu relevés pour un gentilhomme ? Croyez-vous que ce soit en faisant des portraits, quand même vous surpasseriez Coypel ou Brandlot, que vous parviendrez à la fortune et à la considération. D'énigmes en logogriffes, s'écria l'abbé tout dérouté. Si je comprends un mot à vos discours, je veux être pendu comme un normand. Parlez toujours, peut-être finirai-je par deviner quelque chose. Eh bien, sortons du jardin, dit l'inconnu, et nous causerons. L'aventure semblait piquante à recours, et il désirait à tout prix savoir où voulait en venir le bizarre personnage qu'il avait accosté. Il se laissa donc conduire, et quand ils arrivèrent sur un quai désert, il était déjà nuit. Les deux étrangers avaient pris chacun un bras de l'abbé. « Que vous faudrait-il pour être heureux ?» demanda enfin le mystérieux interlocuteur. Le jeune homme fut tout étourdi de cette question à bout portant. « Ma foi, je n'y ai guère songé. Je sais seulement qu'il me faudrait beaucoup de choses que vous ne seriez pas disposé à me donner. « Je vais vous aider, » répondit l'inconnu. « Comme gentilhomme, il vous faut de la fortune, comme abbé, un bénéfice, comme artiste, de la réputation. »« Bravo, seigneur sorcier !» s'écria l'abbé. « Je vois que vous avez médité plus que moi sur mes propres désirs. Supposez que vous ayez deviné juste et continuez. Vous aurez tout cela si vous le voulez bien. »« Bon, » fit-il en secouant la tête avec un air de doute ironique. « Vous aurez tout cela ?» répéta l'étranger avec insistance. « Encore une fois, qui diable êtes-vous donc pour faire de si grandes promesses ?»« Moi, je ne suis rien qu'un instrument dans la main d'un autre. Mais cette main est généreuse et puissante. Elle peut donner beaucoup. » Avec 200 louis de rente et un bénéfice de 3 000 livres, croyez-vous qu'on ne peut pas tenir un rang de cadet dans le monde? Et si une grande dame en criait à la cour, vous prenez sous sa protection, mettez vos œuvres en vogue, exaltez votre mérite, cela ne vaudra-t-il pas mieux pour votre réputation que d'aller à pied courir les séances chez les financiers et les petites gens? Le ton avec lequel furent dites toutes ces choses excluait l'idée d'une plaisanterie. L'abbé marchait toujours entre ses deux compagnons de route, et on prenait les chemins les moins fréquentés pour s'acheminer vers le faubourg Saint-Germain. Tout à coup, il s'arrêta et dit avec défiance « Vous promettez trop pour avoir une bonne action à proposer. » L'étranger sourit d'un air qui voulait dire « Ce n'est pas trop bête », mais il répondit d'un ton détaché « Fi donc, l'abbé, il s'agit d'un caprice de femme, d'une intrigue d'amour. Je n'ai pas l'habitude de me mêler de ces sortes d'affaires, » répondit Raucourt avec orgueil. « Voici ce qu'on vous demande. Vous devez être présenté à la Lecouvreur pour faire son portrait. Oui, eh bien, on vous remettra une boîte de pastilles, et pendant qu'elle posera devant vous, il vous sera facile de lui en offrir. Voilà tout. »« Infâme !» s'écria l'abbé en faisant des efforts pour se dégager. Il venait d'entrevoir dans cette aventure quelque chose d'horrible. « Silence !» reprit l'inconnu. « Vous ne pouvez plus refuser. On vous a choisi pour cette mission, et vous la remplirez malgré vous. » Un cri vous coûterait la vie, il faut marcher et vous taire. » Des hommes qui les suivaient à peu de distance se rapprochèrent d'eux à un signal, et l'abbé se vit entouré de toutes parts. Aucun secours possible, des rues désertes, une obscurité complète, et des mains toujours prêtes à se poser sur sa bouche s'il voulait appeler à son aide. Raucourt refoula promptement toute son indignation dans son cœur. Il sentit que la dissimulation était une nécessité. « Nous verrons, » dit-il froidement. « Vous vous calmez bien vite, » remarqua son guide d'un ton sarcastique. « Prenez-y garde, l'abbé. Ceux qui m'emploient sont assez haut placés pour braver votre trahison et assez puissants pour en tirer une terrible vengeance. » On arriva à une petite porte enfoncée sur les derrières d'un vaste édifice. Celui qui semblait être le chef de cette expédition nocturne frappa un coup léger et elle s'ouvrit sur le champ. Il entra seul avec l'abbé pendant que les autres semblèrent se diriger au dehors. Un grand silence régnait dans toute cette partie de l'hôtel. Le guide fit monter à son prisonnier plusieurs vastes escaliers de marbre à peine éclairés, traversait des appartements magnifiques, et enfin l'introduisit dans un salon resplendissant de glace et de lumière où il lui dit de s'asseoir. « Préparez-vous à recevoir une grande et noble dame, » ajouta-t-il, « et souvenez-vous que si le respect vous abandonne un moment en sa présence, je serai là tout prêt pour vous y rappeler. » Puis il disparut derrière une portière de velours sans attendre de réponse. Quand Raucourt fut seul, il vit d'un coup d'œil toute la vérité. Lui, sans crédit, sans fortune, sans protecteur, il avait été aperçu par hasard dans la foule par quelques grands personnages et choisi pour devenir l'agent d'une intrigue honteuse ou peut-être d'un crime. On voulait se servir de lui comme d'un ressort sans importance qu'on pourrait briser quand il ne serait plus nécessaire. Il comprit de suite qu'il fallait plier pour un moment, céder aux circonstances pour se redresser ensuite et s'échapper violemment quand l'occasion serait venue. Son plan arrêté, il se mit à examiner l'appartement où on l'avait introduit. Tout était marbre et dorure. Les meubles, du bois le plus rare, étaient chargés de vases précieux. Des candélabres d'argent, d'un travail admirable, étincelaient de bougies. Partout des tapis de Perse, des rideaux de soie, des sofas brochés d'or. Des armoiries étaient brodées sur toutes les étoffes, mais l'abbé ne savait pas le blason. C'est vainement qu'il se pencha sur un écusson surmonté d'une couronne de duc, qu'il rassembla ses souvenirs pour trouver un nom dans toutes ces figures bizarres. Il ne connaissait en ce genre que la petite tour crénelée d'argent de sa noblesse périgourdine, et il ne pouvait deviner à qui appartenaient ces armes d'or, à face échiquetée d'argent et de gueules de trois traits. Pendant cet examen minutieux, il fut distrait tout à coup par un bruit de voix qui s'élevait d'un appartement voisin. « Je suis très mécontente, le bon, très mécontente, » disait-on. « Vous êtes pris comme un niais. Il faut maintenant que je répare vos sottises. » Une autre personne répondit d'un ton humble et soumis, et au moment même la porte s'ouvrit. Une dame entra dans le salon où était Rocco. Tout prévenu qu'il était, il ne put s'empêcher de s'incliner avec politesse. C'était une jeune femme d'une beauté régulière, toute brillante de parure et de diamants. Elle s'avança avec aisance et majesté, agitant légèrement son éventail. Il y avait sur ses lèvres un sourire plein de finesse et de moquerie. Elle se laissa aller avec abandon sur un canapé et dit à l'abbé en lui montrant un fauteuil auprès d'elle. « Convenez, mon cher abbé, qu'on en a agi bien singulièrement avec vous et qu'après votre enlèvement tragique, vous ne vous attendiez guère à vous trouver en tête-à-tête avec une jeune femme que des flatteurs veulent bien trouver jolie. « Madame, » dit l'abbé avec embarras, « j'avoue que, vous savez mon nom, je pense, » reprit la dame, « et les armoiries ont dû vous le dire. Je suis la duchesse de Bouillon. » L'abbé s'inclina avec respect et tout déconcerté par ce nom illustre. « Ah, le pauvre abbé, » reprit la duchesse, « vraiment, cette aventure lui a fait perdre la tête. Racontez-moi donc tout ce qui vous est arrivé, que j'en ris encore. Le bon vous a joué un tour que je n'oublierai de ma vie. » « Comment vous enlever, vous menacer, vous effrayer, peut-être ? C'est en mourir. Excusez-moi, l'abbé, mais il faut que je rie de la bonne plaisanterie que ce coquin vous a faite. » Il se penchait sur les coussins du canapé en donnant libre carrière à sa gaieté. Recours n'y comprenait plus rien. Il ne pouvait accorder cette assurance, cette légèreté, cette coquetterie avec les soupçons affreux qu'il avait conçus, et à mesure que ses soupçons s'en allaient, son embarras augmentait d'autant. Il crut se tirer d'affaire par un compliment banal. « Je ne pouvais acheter trop cher, madame la duchesse, le bonheur. Assez, assez !» interrompit la jeune femme en cessant de rire tout à coup et en frappant le parquet de son petit pied. « C'est une folie dont il ne faut plus parler, l'abbé. Imaginez-vous que c'est un malentendu de mon Lebon. Je lui avais dit que l'on avait vanté votre talent devant moi et que je voulais me charger de votre fortune. » J'ai parlé aussi de faire remettre par vous des pastilles bénites à la Le Couvreur, pour qu'elle n'ensorcela plus le comte de Saxe, sur lequel j'ai des droits, et de tout cela on a conclu qu'il fallait vous faire des promesses, des menaces, et en définitive vous entraîner dans mon hôtel comme dans un guet-apens. Il y aurait vraiment à chasser tous mes gens si votre enlèvement n'était la farce la plus originale de la semaine. Vous avez eu peur, l'abbé, n'est-ce pas que vous avez eu peur ? Madame la Duchesse conviendra qu'il n'y avait rien de bien rassurant dans les paroles et les actions de ceux qui m'ont conduit ici. Et franchement, j'étais loin de penser il y a une heure. Je veux vous récompenser de cette frayeur, reprit la Duchesse en minaudant. Puisque le bon vous a parlé de ce méchant bénéfice de 1000 écus, il est à vous dès à présent. La Souqueville me l'avait demandé pour je ne sais quel petit protégé de son mari. Mais vraiment, je vous le dois, mon pauvre recours. Vous l'avez bien gagné ce soir. L'abbé balbutia quelques mots de remerciement. « Que diable signifie tout cela » pensait-il. « À propos, » dit la dame d'un ton dégagé, « c'est vous qui devez peindre la Le Coureur, je le sais. Ne pourriez-vous pas lui présenter de mes pastilles bénites ? C'est une folle, une superstition dont je ne suis pas maîtresse, et votre complaisance me rendrait toute joyeuse. » La voix de l'abbé redevint ferme. Qu'est-ce donc que ces pastilles ? Demanda-t-il en la regardant fixement. Elle soutint ce regard avec une assurance désespérante. « Allez-vous me prendre encore pour une voisin ou une Brinvilliers ? » s'écria-t-elle en riant de nouveau. « Que vous êtes tragique, l'abbé. Eh bien oui, je suis superstitieuse. Je me suis dit que j'étais pour le moins aussi belle que la Lecouvreur et qu'un filtre magique pouvait seul retenir le comte au char de cette péronnelle. Alors j'ai fait bénir des bonbons pour combattre le sortilège et je vous ai choisi pour les présenter à cette vilaine coquette. Ne vous moquez pas de moi, l'abbé. C'est une faiblesse, je le sais bien. Mais que voulez-vous, nous autres femmes, nous sommes ainsi faites. Monseigneur de Paris, qui est mon directeur, me reproche sans cesse une superstition dont je ne puis m'affranchir. Allons, l'abbé, vous êtes trop galant pour ne pas satisfaire un caprice de coquette. Et moi, trop généreuse pour vous refuser les 200 louis de rente dont vous a parlé cet indiscret de Lebon. Malgré tout l'art, le sang-froid, la futilité apparente de la grande dame, Rocour entrevoyait toujours un crime au fond de ses paroles. Non plus le crime avec les formes âpres, l'effronterie cynique, l'expression toute nue du scélérat subalterne, mais avec le voile brillant, le langage hypocrite du monde, elle comprit que Lebon et la duchesse voulaient la même chose. Qui pourra refuser une demande de jolie femme appuyée de rouleaux d'or ? Dit-il d'un air d'intelligence. Un sentiment de triomphe se peignit sur la physionomie mobile de la duchesse. Elle tira de sa poche une magnifique boîte montée en perles et la présenta à l'abbé. « Voici les pauvres bonbons dont vous avez eu une si mauvaise opinion, l'abbé. Et j'ai votre promesse qu'elle en mangera. Il est inutile de vous dire que la boîte est pour vous. »« Et à moi, madame, dit naïvement Rocour, me sera-t-il permis de goûter de ces mystérieuses pastilles ?» La duchesse le regarda avec un fin sourire, comme pour deviner s'il parlait ainsi par malice ou par sottise. « Oui, oui, dit-elle, s'il en reste, et que vous veuillez chasser quelques femmes de votre pensée. »« Il est des femmes, dit l'abbé en s'inclinant, qui ne sortent pas si facilement du cœur quand on a eu le bonheur de les voir une fois. »« Pas mal pour un petit provincial, dit la duchesse, en lui donnant un léger coup d'éventail sur les doigts. « Mais trêve de plaisanterie, il faut que je vous renvoie. » « Voici l'heure du cercle chez la maréchale. Venez me voir, je m'occuperai de votre sort. Voici 100 louis, ajouta-t-elle en lui présentant un rouleau. « Quand vous reviendrez, vous aurez beau brevet. » Rocour prit l'argent, remercia encore et assura de son exactitude à faire ce qu'il avait promis. « Ah ça, l'abbé, fit-elle quand elle fut sur le point de sortir, je compte sur votre discrétion. Vous comprenez combien il est pénible pour une femme de faire savoir au monde qu'elle emploie de semblables moyens pour attirer un amant. En général, n'oubliez pas trop vite ce que vous a dit Lebon. Vous voyez qu'il y a du vrai dans ses paroles. » Rocour prit congé sans répondre. Quand il se pencha pour baiser la main que la duchesse lui présentait, elle aurait pu deviner au mouvement convulsif de ses lèvres l'horreur qu'il éprouvait. Mais la coquetterie lui fit attribuer à une impression toute différente cette émotion généreuse. Lebon reconduisit l'abbé en silence jusqu'à la porte de l'hôtel, et là, il lui glissa à l'oreille. « On vous surveillera, prenez-y garde. » L'abbé ne dit rien et s'élança dans la rue. Il courut un moment comme s'il avait été poursuivi. Quand il fut à quelque distance, il se laissa aller sur une borne et murmura avec terreur, en regardant la bonbonnière de la duchesse, « Du poison !»